En ce moment, Hortense tressaillit. Elle entendit le pas de son mari. « Il paraît, dit Venceslas en entrant, que Stidmann est venu pendant que j'étais allée chez lui. « Vraiment ? S'écria la pauvre Hortense avec la sauvage ironie d'une femme offensée qui se sert de la parole comme d'un poignard. « Mais oui, nous venons de nous rencontrer, » répondit Venceslas en jouant l'étonnement. « Mais hier !» reprit Hortense. « Eh bien, je t'ai trompé, mon cher amour, et ta mère va nous juger. » Cette franchise desserra le cœur d'Hortense. Toutes les femmes vraiment nobles préfèrent la vérité au mensonge. Elles ne veulent pas voir leur idole dégradée, elles veulent être fières de la domination qu'elles acceptent. Il y a ce sentiment chez les Russes, à propos de leur tsar. « Écoutez, chère mère, dit Venceslas, j'aime tant ma bonne et douce Hortense que je lui ai caché l'étendue de notre détresse. Que voulez-vous? Elle nourrissait encore, et les chagrins lui auraient fait bien du mal. Vous savez tout ce que risque alors une femme. Sa beauté, sa fraîcheur, sa santé sont en danger. Est-ce un tort? Elle croit que nous ne devons que 5 000 francs. Mais j'en dois 5 000 autres. Avant-hier, nous étions au désespoir. Personne au monde ne prête aux artistes. On se défie de nos talents autant que de nos fantaisies. J'ai frappé vainement à toutes les portes. Lisbeth nous a offert ses économies. « Pauvre fille, dit Hortense. Pauvre fille, dit la baronne.